On va parler de la Ligue nationale de hockey avec notre ami Joe Hardy. Salut, Joe. Salut, jeune homme. Ça va bien, Joe? Ça va bien, toi? Yes. Joe, en passant, je sais que t'écoutes beaucoup Sportsnet, tu m'en parles souvent, mais t'es pas sans être au courant de ce qui se passe avec TVA Sport et la petite guéguerre. T'en penses quoi en tant que gars de média? Bon, écoute, c'est une chicane là, qui a débuté il y a longtemps sans qu'on en entende parler. Mais là, qui coupe le feed, tu sais, aux gens, moi je suis avec Shaw Direct. Ouais. Ça me touche pas, mais quelqu'un qui est avec Belle, là, à soir, il est pas chanceux, hein. S'il coupe le feed, là, pas de hockey, là. Ben, j'étais avec Belle, moi, puis regarde, on va l'écouter à CBC par Sportsnet, donc comme Ben, ouais, tu vas faire, non, là. Oui, non, non, c'est sûr. Tu sais, je sais pas comment ça va virer. Je sais pas si M. Pelado va gagner son pari, mais il n'y a pas tard, là, tu sais, je veux dire, à quelque part. Il n'y a pas tard, c'est juste la façon que... Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a une guerre entre aussi TR, parce que le département des sports, du côté de TVA, ça lui coûte une beurrée, là. Ben, Joe, parlons-en de ça. J'en ai parlé ce matin avec François Gagnon. Pas François Gagnon qu'on connaît tous, là, mais le François Gagnon, chroniqueur économique qui... Okay. Je sais pas si ça dit quelque chose, là, qu'on entend au 98... Moi, j'ai déjà entendu le nom, oui. Oui, qu'on entend au 98.5 pour... C'est ça. On va se le dire, là, que c'est pas fort de la part de Québécois d'avoir créé un poste de sport sans savoir que les Nordiques en revenaient, sans avoir aucune garantie. Nous autres, rappelle-toi que quand TVA Sport est arrivé au monde, on était certain que les Nordiques revenaient. Ben, c'est pas ça qui est arrivé par tout, là. On avait tout ça comme impression. Moi, le premier, là, qui suis ça de près, tu sais, j'ai toujours pensé qu'on n'aurait pas de retour d'hockey de la Ligue nationale à Québec. Mais quand j'ai vu que TVA, tu sais, que Pelado embarquait avec Mère Labombe dans le centre Vidéotron, je me suis dit, c'est parce qu'il pense qu'il va avoir la même chose pour son réseau de sport. Mm. C'est parce qu'il s'attend à avoir une franchise à Ligue nationale. Et là où il faut aller plus loin, c'est qu'étant donné qu'il y a un réseau de télévision, c'est qu'il s'attend... Tu sais, s'il y en a un qui peut avoir une franchise, c'est bien lui, là. Parce que, tu sais, avec un réseau de télévision, c'est sûr qu'il sera pas dans la rue, là. Mm. Alors, tout ça ensemble, le fait qu'on a pensé qu'on aurait du hockey de la Ligue nationale à Québec, mais ça semble pas le cas. Puis si on en a... Je pense que peut-être que le centre Vidéotron va être à repasser, là, tu sais, il faudra qu'il y a juste... Joe, je te parlerai pas du Canadien. Je t'ai parlé avec Marc Fortier, Stéphane Lebeau, un excellent hier bilan, une excellente table ronde. Ben, tu voulais m'en parler, Marc, bien. Qu'est-ce que tu as pensé d'hier? Ben moi, officiellement, d'abord au départ, c'est une grosse déception de voir... C'est parce que à quoi je vais en venir, c'est que d'abord, à partir du moment que j'ai vu arriver Bergevin... devant le paquet de journalistes. Tu sais, l'organisation du Canadien, puis moi, je suis content dans ma carrière de joueur. J'ai appartenu à l'organisation du Canadien. On a gagné la Coupe Calder. Puis, tu sais, l'organisation du Canadien, le Canadien, le CH en lui-même, c'est comme les Yankees au baseball. Ah, c'est une grosse organisation, OK? Alors, on prend hier. Là. Le directeur général arrive devant les journalistes, la chemise ouverte, les manches roulées jusqu'au coude, la barbe longue qui est la mode. Mais tu sais, là... Lou Lamoriello n'aurait jamais laissé passer ça. Tu sais, t'arrives avec un veston et une cravate, là. Tu sais, t'es arrivé, avant de commencer à parler, il venait d'arriver, prendre une gorgée d'eau. Mm-hmm. Tu sais, ça avait l'air comme un power-off, OK? Ouais. À partir de là, tu sais, ça semblait... Écoute, il a tout de suite dit, regarde, on a eu une bonne saison, tu sais, comparé à l'année passée. Mais l'année passée, il était 0 plus une barre. Il part de 70 points, c'était pas dur de faire mieux. Mm-hmm. Et alors, ça, c'est une chose... Ce que les gens, des fois, parfois, oublient, puis je sais que toi, tu le sais, là, ce que je vais dire là, mais je veux le répéter. Moi, ce qui me fait de la peine dans tout ça, c'est que, tu sais, moi, je suis dans des poules de hockey. Le Canadien, quand ils sont dans les séries, là, c'est l'euphorie au Québec pour les business, ouais. Les bars, les restaurants. Ça, moi, je prends pas pour Canadien, puis je prends pas plus pour Toronto ou Chicago. Mais quand t'es le Canadien dans les séries, moi, j'aime ça gager. Je trouve des gars qui prennent le Canadien. Tu sais, c'est merveilleux. Ce qu'on a vu en fin de semaine, puis hier, c'est que, ben non, la vie est belle. Tu sais, d'abord, la grosse patente qui m'a fait tomber à terre, je l'avais pas vue, je l'ai vue hier. Mm. Le sénateur, le Jeff Molson, après la game, il est dans le passage où les joueurs sortent, les high-five avec les joueurs, ils viennent de manquer série pour une troisième fois en 4 ans. Ouais. High-five avec les joueurs, puis c'est beau, puis la vie est belle. Allô? Hey, non, monde, moi, j'ai donné B hier, la saison de hier, avec Marc Fortier et Stéphane Lebeau. On a tous donné B. Pour la saison ou la conférence de presse? Non, la saison, là, soyons honnêtes, là. Tu sais, ils ont joué, ils ont connu une bonne saison. Ouais. J'oublie l'année passée. Moi, je ne la compare pas à l'année passée. On parle de cette année. Ouais. Ils ont connu une très bonne saison. Où ce qui est, j'ai accroché dans tout ça, c'est que, tu sais, on a parlé du cas de Drouin, OK? Mm. On va lui donner le coffre d'outils. Ça t'a pas rappelé une chose, ça, quand il a parlé de ça? Ça t'a pas rappelé la rencontre qu'ils ont eue avec Galchenyuk l'année passée? On va lui donner les outils nécessaires. Il me semblait que le coffre d'outils qu'il avait trouvé cette année, c'était Ducharme, qui avait coaché Drouin. Pourquoi il n'y a pas un journaliste qui a demandé, mais quand vous avez engagé Ducharme, vous avez dit, mais ça va aider Drouin. On n'a pas entendu. C'est pas ça, son coffre d'outils. Mm. Tu sais, moi, c'est des choses qui m'ont déçu hier. L'offre hostile. Je ne sais pas pourquoi les journalistes posent cette question-là. Quelqu'un qui suit le hockey le moindre main sait très bien que la plupart du temps, une offre hostile, l'équipe qui a le joueur qui se fait offrir une offre hostile, ils vont accoter l'offre puis ils vont se débarrasser d'une coupe d'eau joueurs. Ça marche jamais. C'est pas juste ça non plus. Un directeur général, il n'ira pas faire ça parce que c'est tout des chums, ça. Puis s'ils font ça, jamais que. Je pense que Bergevin perd des chums, puis Bergevin est bien vu dans la Ligue nationale comme DG. Oui, puis tu sais, puis à quelque part, c'est qu'à un moment donné, quand tu t'en vas sur la route, tu vas être assis tout seul dans ton coin, tu sais, puis tu vas te le faire faire un jour quand ça va faire mal, là. Mm. Fait que tu sais, c'est une chose qui se fait pas. Alors moi, c'est ce que j'ai retenu de la conférence de presse hier. Tu sais, ça semblait être correct. Moi, je dis pas que c'est une mauvaise conférence de presse. Moi, si tu me parles de la saison du Canadien, en ce qui me concerne, avec l'équipe qu'on voyait. Moi, tu te rappelles, je te lisais à toi, je lisais à Ron Fournier, moi, je les voyais dans les séries, à cause de la conférence qui est plus ou moins forte, OK? Mm. Mais, ils ont échappé quelques gains, à quelques matchs, vous regardez. Quand tes réponses à, quand les gens te posent des questions au sujet de ton équipe, admettons, quand t'es dans le sport, puis tu commences les phrases par si à chaque fois, là, c'est parce que ça va pas bien, là. C'est si on avait ça, puis c'est si on avait... Moi, je dis qu'ils ont un A parce que personne ne s'en attendait. Tu sais, là, exemple, là, Vegas a donné Tatar à Montréal, OK? Ils lui avaient coûté un premier choix. Un deuxième choix. Puis ils ont donné Tatar pour Pacioretty, OK? Mm. Et ils ont donné Suzuki en plus. Fait que Pacioretty lui a coûté un premier choix, un deuxième choix, puis Suzuki. Ça va pas bien, là. Non. Mais on peut-tu dire que Vegas, pas des caves? Les évaluations qu'ils font tout de suite Domi et puis de Tatar, moi, je pense que c'est un gars dans 20-25 buts, sa carrière le prouve, OK? Mais Domi, moi, je peux te parler de sources très sûres, OK? Arizona l'a pas laissé aller pour le fun, là. Il est indiscipliné, OK? Puis il a eu la saison de sa carrière, puis c'est correct. Ça. Moi, je l'aime bien, Domi, c'est un petit off, puis il va à la guerre. Mais on ne l'a pas vu dans le trouble. Il n'a pas eu la chance de montrer, à quelques reprises, oui, qu'il est indiscipliné avec le Canadien. Puis l'autre affaire, faut-tu attendre une autre année avant de dire, attendre à voir l'année prochaine avant de dire qu'on les a volés, ces équipes-là. À ce que je sache, là, Pacioretty a scoré 22 buts cette année, puis il a eu 15e de moins que Tatar. C'est quand même une bonne transaction. Pour ma part, c'est une des bonnes transactions. Oui. Mais faut attendre, mais je suis d'accord avec toi, là. Mais l'an prochain, rendu au fait, là, si Domi a 23 points, puis Tatar 3 goals, là, puis les autres sont rendus à 28 goals, puis 54 points, on va dire quoi? Tu sais, faut attendre, là, faut donner du temps. Il y a des gars qui s'ajustent moins vite, puis le temps de l'as, tu sais, si le Canadien va chercher le fameux joueur de centre qui parle, puis une coupe d'autres joueurs, peut-être que Domi, s'il joue moins, il va mais, faire comme il y a un Marc Fortier dans mon bilan. Marc, écoute, là, il y a bien du monde qui a dit ça a été dit des dizaines de fois, mais je ne suis pas sûr que ça a été dit des dizaines de fois. C'est la première fois que je l'entends. Jonathan Drouin, Marc Fortier a dit, écoute bien, le gars, là, on va prendre son petit gris, là. Il a été dans le midget. Ça a tout pris pour qu'il a joué avec Lac Saint-Louis. Il est allé dans le junior. Il a dit à toutes les équipes, empêchez-moi pas, je m'en vais dans l'NCA. À la dernière minute, il s'en va à Halifax. Arrive à Tampa Bay, il s'appogne avec John Cooper. Et arrive à Montréal, il s'appogne avec Claude Julien. Ça se peut-tu que ça soit toi le problème? Tu sais, Marc n'avait pas tort hier. Ben, c'est très possible. Ouais, ça a été parlé, comme tu viens de mentionner, avant de parler de Marc, ça a été mentionné à plusieurs reprises, son caractère. Mais tu sais, dans la game d'hockey en elle-même, qu'il y a toutes sortes de joueurs. Hein. T'as pas tous des bons gars. Tu sais, il y a un caractère spécial. Puis deuxièmement, moi, je le regarde aller, puis je parlais à quelques anciens joueurs. Tu sais, c'est un gars qui est extrêmement difficile à jouer avec. Parce que quand il pogne la rondelle, il veut dévouer 250 gars. Tu sais, c'est pas un gars qui donne la rondelle rapidement. Fait que ça devient dur à jouer avec lui. Mais en même temps, c'est un bon joueur de hockey. Mais ce que tu viens de mentionner, puisque Marc Fortier a mentionné, puisque d'autres gens ont déjà mentionné, toi puis moi, une fois, tu étais à Delbeau, puis j'étais à Québec dans mon salon, puis on savait ça. Hein? Quand tu as suivi sa carrière un peu, là, il commence à dire que ce qu'il a fait avec Tampa Bay, quand il était allé à Syracuse, il a lâché l'équipe, le kit. Alors, tout le monde savait ça. Mais malgré tout ça, Tampa Bay était capable d'aller chercher Sergachev pour lui. Tu comprends-tu? Fait que moi, là-dessus, j'embarque moins. Quand ils ont amené Duchamp, j'ai dit, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, c'est quand ils ont amené Duchamp, il y a un journaliste ou deux qui ont dit, ben peut-être que lui, il va s'occuper de Drouin. Fait que là, on a Drouin, puis ce matin, au gym, quand je m'entraînais, j'ai parlé avec une couple de gars de hockey qui s'entraînent à la même place que moi. Entre toi puis moi, là, si c'était pas de l'avoir eu l'an passé, d'après moi, il l'échangerait. Parce que ils vont avoir de la misère à... Tu sais, Galchenyuk qui s'est jamais retrouvé. Puis l'autre affaire qu'il faut dire, puis tu le sais, tu suis le hockey, ça fait longtemps, c'est pas facile jouer à Montréal. C'est pas facile jouer à Toronto non plus. Ah ouais, mais avec la fin de saison qu'ils ont eu. Ouais, je comprends, mais moi, c'est à cause de leur fin de saison, puis de tout ce que Boston fait de mieux que Toronto, que moi, je pense que Toronto va causer une surprise. Parce que tout le monde est sûr que les joueurs de Boston, ils entendent ça, là. On devrait les battre facilement, blablabla. Mais il n'y avait pas Tavares l'an passé les autres années. Mais en tout cas, ceci dit, c'est que, tu sais, jouer à Montréal, moi, j'entendais les joueurs de Tampa Bay, qui n'étaient pas pour dire le contraire. Ah, il va bien s'ajuster, du moins, c'est un gars qui a du caractère. Mais j'ai vu une fin d'article de Régent Tremblay qui m'a assommé, moi. C'est deux mots, là, tu sais, vers la fin. Il a dit... C'est Guy Lafleur. Fin de semaine dernière, après avoir parlé... Ouais. Non, mais Régent Tremblay qui écrit, lui, à la fin, pour finir l'article, il dit, j'espère qu'on trouvera pas d'autres choses. Est-ce qu'il voulait dire que c'est la drogue ou je sais pas, là, c'est ça qu'il veut. Ça m'a comme... Dans tout l'article qui a été écrit, c'est des affaires qu'on sait. C'est Drouin, blablabla. Mais quand il a écrit ça, ça va-tu sortir plus tard qu'il y a un problème à l'extérieur de l'Atlas qu'on connaît pas? Ou que les gens connaissent puis qu'ils veulent pas en parler? Moi, je trouve qu'il y a un drôle de regard. Hein? Il a l'air amorphe au bout. Mais... Ça pour dire que finalement, tu sais, tu m'as déjà agacé avec ça, tu dis, tu prends pas pour Canadien. Moi, je suis déçu, mais je trouve qu'ils ont eu une bonne saison. Puis un peu comme ils ont dit dans les journaux ce matin, là, Bergevin, il a le ballon dans les mains. Parce que là, l'an prochain, les gens, les vrais supporters du Canadien, avec ce qu'ils ont vu de Pauling et puis tout ça, ils sont sûrs que l'année prochaine, tout va être beau, là, mais ça marche pas de même. Là. C'est pas un tirage au sort. Là, ben non, on l'a dit la semaine passée, puis il y en avait un bon point. Je suis pas sûr du tout l'année prochaine. Qui dit que Dano va connaître la bonne année? Qui dit que Petrie va connaître la bonne année? Qui dit que Tatar va connaître une bonne année? Qui dit que la même année, puis ils n'ont pas fait les séries? Puis, Mais en même temps, il faut être honnête. C'est que la même chose va pour les Bruins de Boston, là. C'est qui dit que l'an prochain, Bergeron ne se cassera pas un pied, puis que l'autre... Tu sais, c'est le même à chaque année depuis que le hockey existe, là. Alors, tu peux pas arriver devant des journalistes, même à Montréal, puis dire, mais on s'attend du gars une grosse saison l'an prochain. On s'attend une grosse saison à chaque année, là. Tu sais, comme toi, comme animateur de radio, pour avoir une émission, tu t'attends de faire des bonnes émissions à chaque fois que tu sors en onde, là. Tu sais, tu t'attends pas de dire, ah, ben, on verra l'année prochaine. Non. Fait que, tu sais, là, de la pensée, puis c'est vrai ce que tu viens de dire, puis c'est vrai ce qu'ils disent, là. On sait pas si... Mais ils l'ont eu cette saison-là, cette année. Mais pourquoi qu'ils seraient pas meilleurs? Tu sais, es-tu en train, ou pas toi, là, mais les gens vont-tu penser que Tampa Bay peuvent être encore meilleurs? Peut-être, je sais pas, moi. Mais ils ont des chances d'être moins bons que cette année. Là. Cette année, ils ont égalé un record. Fait que tu sais, à quelque part, regarde New Jersey. Moi, j'étais un de ceux l'année passée, je regardais jouer New Jersey. Je disais, ils ont-tu des bons jeunes? Ils n'ont pas fait les séries. Tu sais, Edmonton, ça fait 4 ans qu'ils repêchent premier, ou à peu près, ou dans les premiers. Puis ils sont, tu sais, alors, Canadiens, de ce côté-là, tu peux pas promettre à rien. Tu sais, l'affaire de Pauline, l'autre fois, OK, c'est parfait, le gars, score 3 buts, le but dans le shootout, puis le kit, là. Mais, tu sais, c'est pas ça qui te fait lever les high five. Vous avez vu, la relève est là. La relève, c'est pas tout à fait ça, là. On va attendre, ben, tu sais, la relève. C'est les gars qui ont là, qui ont une bonne saison. Il était repêché, puis je pense que ça va donner que ça, Pauline. C'est un Jordan Stahl. Pas un Rick Stahl, un Jordan Stahl. Quand il était repêché, c'est ce qu'on disait de Jordan Stahl. Ben, Ben moi, m'a dit quelque chose honnêtement. Ça va, tu vas peut-être tomber à terre. Moi, je pense qu'il est plus près d'un poste régulier. Ben oui, mais il y a deux ans, c'est normal. Il y a deux ans de différence, c'est normal. C'est un gros bonhomme. Oui, ouais, puis c'est un gros bonhomme. C'est un gars qui est capable d'aller devant le net. Moi, je vais te dire quelque chose qui va te faire tomber à terre. Quand Kanyemi, je ne suis pas sûr qu'il va partir la saison à Montréal. Il y a pas ce gars-là, là. Je n'en parlais justement avec les gars matin. Tu sais, là, moi, je l'ai vécu comme joueur. Quand j'ai fait l'équipe à Oakland, j'étais une surprise, personne ne me voyait là. L'année suivante, c'est vrai que j'ai été blessé, puis j'ai passé 3 mois et demi dans le plat, ils m'ont protégé, il y a eu un repêchage, il y a eu une expansion, ils m'ont protégé. Mais j'avais déclaré que je m'en allais dans les mondiales, si ça partait, ça m'a nué un peu, mais ils m'ont échangé. Mais quand on est arrivé au camp, Chris Odelson dans le temps, puis c'était Brian Cadle, c'était deux jeunes qui sortaient du junior, ils m'ont fait la visure. Là, lui, le kid, là, il a joué cette année. Lui, moi, je sais, là, dans sa tête, lui, il sait que là, il va me mettre en forme, puis tu vas me grossir, puis l'année prochaine, mais t'as peu, l'année prochaine, pas sûr, t'as un job, toi, là. Tu sais, il veut dire, il est mal fini. Puis l'autre affaire que je veux dire, je pense que je te l'ai dit la semaine passée, que c'est qu'il faisait sa glace à la fin de la game, en troisième période, jeudi soir, quand tu joues ta saison. Tu sais, il l'habillait même pas, puis il jouait presque pas, puis il faisait la glace à 2 heures. Alors, ça, c'est dit. Moi, je pense que Pauling, je l'ai vu, regarder jouer. Gros bonhomme, il va aller devant le net. Ils ont besoin d'un gars de même, puis souvent, ces gars-là, il peut devenir peut-être un meilleur marqueur, parce que c'était pas un gros marqueur dans le hockey universitaire. Là. Mais Kotkaniemi, il est frêle aussi, c'est pas un gros gars. S'il met 15-20 livres, ouais. Ça fait genre penser... Je veux te parler des séries. Plus, quelle série que tu prédis, que tu vas regarder le plus? Moi, je te l'ai dit... Moi, je l'ai dit, parce que moi, écoute, les Penguins de Pittsburgh, c'est ma deuxième équipe. C'est pas derrière, c'est pas à cause de Sidney Crosby, ça date depuis Mario Lemieux. Les Penguins de Pittsburgh, ça a toujours été ma deuxième équipe. Je les regarde, je les aime. C'est les Islanders et Pittsburgh, et aussi Colorado, Calgary. Tu comprendras qu'on a un gars ici qui s'appelle Samuel Girard, que c'est pas mal le fun de le voir. Fait que c'est ces séries-là que je vais suivre. Ouais. Mais je pense que la meilleure série, ça va être Saint-Louis ou Winnipeg. Moi, je veux te dire quelque c'est chose. Mais la série Toronto-Boston, ça va être bon. Ouais. Moi, on a eu nos choix de poule dans un des deux poules, mais on a eu lundi. Moi, je vais peut-être te faire plaisir là. Du côté de l'Est, je vois Washington, okay. Pittsburgh, puis plus Pittsburgh que Washington passer. Puis dans l'Ouest, mais moi, ça fait 4-5 ans, je me fais brûler avec cette équipe-là. Mais je pense que cette année, pour avoir vu ce que j'ai vu, je les ai regardés game pour être sûr de ce que je faisais, je vois San Jose passer. Puis j'ai mis Nashville. Ils ont une mauvaise fin de saison, mais ils ont tellement une bonne défensive que moi j'ai mis Nashville, San Jose en finale de l'autre bord, puis la grande finale a joué Pittsburgh contre San Jose. Moi je pense que Pittsburgh, je vais te dire une chose. Pittsburgh ont fait un move, j'en parlais avec les gars ce matin, dont un qui suit le hockey junior à tour de bras, puis il connaît tout. Quand ils ont été chercher Gordon Benson, Pittsburgh, ils viennent de... D'abord, Pittsburgh s'est arrangé pour affronter Washington. Hein. La dernière game, ils avaient besoin d'un point, puis ils ont été chercher, puis ils n'ont pas forcé dans l'overtime. Ils ont passé à côté de Washington. Ils vont impogner en deuxième ronde. Puis je vais te dire que si tu te rappelles du dernier affrontement Washington-Pittsburgh, le gros Gordon Benson, il l'a pogné Wilson, puis il l'a couché à terre, puis il a dit, regarde, t'arrêtes ça, toi, là. Fait que ça... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas remarqué ça. Puis, je ne sais pas si tu connais Gordon Benson. Il jouait en Floride avant. Il était à Vancouver. 6 pieds 5. C'est un gros bonhomme. Il est tough. Et puis, moi, j'ai trouvé. Je me suis toujours posé la question pourquoi Floride l'avait laissé aller. C'est pas un grand joueur de hockey. Là, c'est pas Raymond Book, là. Mais, alors, pour cette raison-là, ça a l'air niaiseux. Un peu comme Revis avec Vegas. Moi, je pense que Pittsburgh va être extrêmement dangereux. Puis, pour une des rares fois, c'était un maniaque des Pingouins. Pour une des rares fois, ils vont commencer les séries avec l'équipe au complet, qui n'ont pas eu de l'année cette année. Là. Fait que ça, c'est un autre avantage. Puis quand tu as Crosby dans tes rangs, moi, j'ai pris Malkin. Mon premier choix au repêchage, là, d'abord, j'ai pris juste des joueurs de Pittsburgh, San Jose, Washington, puis Nashville. Dans mon pool, les autres équipes, je n'ai même pas de joueurs là-dedans. J'ai mon premier choix avant Crosby, c'est Malkin. Il marque toujours dans les playoffs, Malkin. Fait que. Ah non, mais on va fêter ça. Calgary, tu vas-tu aller loin? Non? Puis Tampa Bay non plus? Non, pas assez. Le pic, le fameux pic. Écoute, ils peuvent pas jouer mieux qu'on veut dans l'année. On s'entend-tu là-dessus? sais, ils ont joué extraordinaire, puis ils ont une bonne équipe. Tu sais, hier, là, j'écoutais les commentaires, puis je me disais, je suis seul dans mon salon, mais je suis seul à avoir dit que Tampa Bay passerait pas. Tu sais, là, j'écoutais les commentaires, je pensais à tout ça, je me disais, hey, ils ont une christie d'équipe, Tampa Bay. Mais là, la mauvaise nouvelle que j'ai entendue ce midi, Armand Kedman, pas sûr qu'il va jouer dans les playoffs, là. Tu sais, ça peut faire mal, mais ils ont quatre trios, puis ils n'ont pas eu d'aventure cet hiver-là, tu sais. Admettons que tu pars le premier match, tu pognes une coupe de punition ou un 5 pour un bâton élevé qui frappe le gars dans le visage, l'autre équipe prend l'avance. Tu sais, tout peut arriver dans la série, tu sais. Mm. Mais ils ont une bonne équipe, tu sais, on peut pas enlever ça. Écoute, 124 points, 60 et quelques victoires, mais moi, je suis pas capable. Ils sont pas. C'est pas une équipe qui va brasser. Ils vont essayer de brasser s'ils se font brasser. Mais ils brassent. Toronto, la raison pour laquelle je les vois pas là. Puis c'est pas le jeu non plus. C'est qu'ils ont tous des joueurs. Moi, j'aime pas de la manière qu'ils ont rentré en série. Pardon? Tu rentres pas en série avec une fin de saison de même. Je sais pas. Tu sais. Ben, les autres, c'est pas la fin de saison. Toi, puis moi, c'est depuis les fêtes, là. Tu sais, ça a été tout croche. Puis Babcock, quoi pas. Il n'avait un top. Penses-tu que Babcock pourrait quitter Toronto si jamais il se fait sortir par Boston? Parce qu'à Toronto, il se fait brasser. Ben, moi, ce que j'ai entendu. Ouais. Ben là, il y a de la misère avec les journalistes, puis tu sais, à un moment donné, c'est parce que lui, il pense qu'il a inventé le hockey, là, mais tu sais, il n'a pas nécessairement inventé le hockey. Puis, encore une fois, ça va être une affaire de gardien de but. Autant pour les Bruins, pour les Sharks de San Jose, et pour Pittsburgh, tu sais, si Murray ne fait pas le job à Pittsburgh, oublie ça, là. Tu sais, ça prend un goaler. Si t'as pas de goaler à ce jeu-là, tu passes pas. Mais les équipes qui sont dans les playoffs, actuellement, il y a quelques équipes qui ont des points d'intégration. Quand tu me parlais de Calgary tantôt, j'y pense, là. Hey, c'est pas beau, là, quand t'es pas sûr avec qui tu vas commencer les playoffs, là. Allô? Tu sais, veut dire, à quelque part, c'est important. Saint-Nosé, ce qui me fait peur, c'est que Jones, il n'a pas eu une grande saison, hein. Fait que l'année passée, il a été pourri. Fait que là, lui, il me fait peur. Mais Saint-Nosé, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a une bonne équipe complète, là. Mais là, j'écoutais, je me dis, il y a même des gens qui pensent que Dallas va faire un bout, là. Ouais, à quelqu'un. On va avoir des belles séries. Mais c'est toujours des belles séries, première ronde, là. Moi, soit, m'a pitonné game après game. Aller voir les séries qui vont passer le plus. Puis, that's all, là. Non, les Islanders, Pittsburgh. Joe, il faut que j'aille à Michel Tifo. Fait que, comme toi, je suis avec Michel Tifo. Fait que, on va lui parler. OK. Joe Hardy, on se parle la semaine prochaine. OK. Joe Hardy, notre collaborateur. Alors, je pas, merci, Joe. Salut, bye. Merci. Bye.